Comme être humain, on est des êtres sociables. Je ne sais pas si vous êtes déjà aperçu de ça. On aime ça communiquer avec des personnes. On aime parler, on aime communiquer entre nous. Et puis non seulement on aime parler aux autres, en général, on aime aussi être entendu. On désire être accueilli par des oreilles attentives. On aime ça, être entendu, pas juste se parler. Je ne sais pas si ça vous arrive quelquefois d'appeler un frère, une sœur, une personne importante et vous tombez sur le répondeur. Ce n'est pas pareil que quand on tombe directement sur la personne. Ou encore pire, vous avez un besoin et vous contactez une agence gouvernementale sur téléphone. Et là, après avoir passé le labyrinthe des 12, numéro 1, numéro 4, numéro 8, et là, vous attendez, vous êtes sur la liste d'attente. Ça me désappointe. Je ne sais pas si vous, ça vous fait quelque chose, mais moi, ça me désappointe. J'aimerais communiquer un besoin, j'aimerais être entendu. Et quand je pense à Jésus, dans un sens, lui aussi, et parce qu'il a considéré notre besoin, non seulement d'être des êtres sociaux, mais d'avoir le besoin d'être en relation avec Dieu, avec son Père, il n'est pas resté indifférent. Mais il a quitté son ciel de gloire et il s'est incarné, il est entré dans sa propre création. Il a pris place chez les siens parce qu'il avait à cœur de communiquer personnellement à chacun d'entre eux qui étaient là à ce moment-là et à chacun d'entre nous aujourd'hui, son amour, sa lumière, sa vie. Et savez-vous quoi? Il s'attend. Il s'attend à ce que les gens l'entendent et il s'attend à ce que les gens placent leur confiance en lui. Pourtant, l'évangile de Jean, quand on a commencé à l'étudier, il lui a dit au verset 11 du premier chapitre, « Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, ne l'ont pas accueilli. » Jésus est venu pour nous communiquer son salut, sa vie, mais ce qu'il a connu, ce qu'il a rencontré, c'était bien souvent l'indifférence. Et non seulement l'indifférence, souvent l'opposition de sa propre créature, plutôt qu'une large écoute. Ce matin, nous entrons dans le chapitre 7 de l'Évangile de Jean. C'est un autre secteur, les chapitres 7 à 10, où la scène se situe à Jérusalem, à la fête des tabernacles. Et dans les 6 premiers chapitres, on a parler de beaucoup de personnes qui ont entendu la voix de Jésus et qui l'ont reçue. La Samaritaine, un chef du roi, Nicodème, plusieurs l'ont reçu. Mais à partir du chapitre 7 de l'Évangile de Jean, l'attitude générale envers Jésus change. Et l'accueil qu'on avait lu dans le passé, dans les premiers chapitres, se transforme de plus en plus en indifférence. Et la résistance s'installe. Et pas juste une résistance à Jésus, mais ça va aller jusqu'à une opposition directe à Jésus qui va s'organiser de plus en plus. Et quand nous arrivons au chapitre 7 de l'Évangile de Jean, pour ce qui est des leaders juifs à Jérusalem, la décision est déjà prise. Ils veulent faire mourir Jésus. Jésus n'est plus la rock star populaire qui s'en vient, mais il est en train de déranger trop de monde et on planifie sa mort. Qu'est-ce que Jésus va faire? Au sein de l'opposition, Jésus va dire, « Ah, ils ne veulent pas de moi, je m'en vais. » Non. Au sein de l'opposition, Jésus va continuer. Il va continuer d'inviter les gens à lui. Il va continuer de prendre position, demander aux gens de prendre position en ce qui concerne sa personne. Parce qu'en réalité, autant au premier siècle que pour aujourd'hui, on ne peut pas rester indifférent face à Jésus. Ou je tends la main et je l'accueille, ou je pousse mon point et je le rejette. Je ne peux pas être neutre face à Jésus. Et Jésus nous invite aussi alors dans nos circonstances présentes, qu'elles soient favorables ou non, il nous invite, nous aussi, à rester debout malgré l'opposition. Même si les circonstances peuvent être plus ou moins favorables, Dieu veut que chaque croyant accepte sa responsabilité, la nécessité de prendre position pour lui, de rester debout malgré l'opposition. Et ce matin, à travers Jean chapitre 7, les 20 quelques premiers chapitres, 20 premiers versets plutôt du chapitre 7, j'ai pris qu'on puisse accepter ce défi, en voyant comment Jésus, lui, a accepté ce défi-là, qu'on accepte cette responsabilité de le confesser devant ceux qui nous entourent, devant les hommes, sachant bien que Jésus lui-même a dit, « Si vous me confessez devant les hommes, moi aussi, je vais vous confesser devant mon Père qui est dans le ciel. » Tournons dans Jean chapitre 7 et commençons par la prière. Seigneur, encore une fois, ta parole est ouverte devant nous. Elle est là pour nous interpeller. Elle est là, Seigneur, pour qu'on puisse l'accueillir et qu'on puisse comprendre ce que tu t'attends de nous en retour. Merci, Jésus, d'être resté debout, d'avoir proclamé ton royaume malgré les obstacles, malgré l'opposition, et tu l'as fait jusqu'à la mort de la croix. Seigneur, donne-nous d'entendre ta parole ce matin et d'y répondre avec un cœur ouvert. Et je te prie ces choses au nom de Jésus pour sa gloire à lui. Amen. Alors, l'Évangile de Jean, le chapitre 7, et je vais lire les 10 premiers versets d'abord. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. » Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte pas encore parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Premièrement, l'opposition et la réponse de Jésus envers ses frères. D'abord, il nous est dit dans le texte que Jésus est un peu réticent à retourner en Judée. Il est en Galilée, il était en Judée pour la fête de Pâques, puis là, il est retourné en Galilée, puis là, il est resté un bon 6 mois en Galilée, puis là, ça devient la fête des tabernacles ou la fête des tentes. Les enfants d'Israël se ramassent 8 jours, à Jérusalem, sous des tentes, c'est le camping pendant 8 jours, et c'est le moment le plus joyeux de l'année, les célébrations les plus joyeuses, c'est comme l'action de grâce pour nous, parce que c'est quasiment en octobre, les récoltes sont toutes rentrées, c'est le temps de la grande fête. Et Jésus, il est réticent de retourner à Jérusalem, parce que la dernière fois qu'il a été autour de la Pâque, on avait vu ça dans le chapitre 5, il avait guéri un paralytique. Et il avait dit aux gens, « Regarde, mon Père agit, puis moi aussi j'agis. » Et en plus, non seulement il avait guéri un paralytique, mais il avait fait ça le jour du sabbat, un jour où, selon les chefs juifs, personne ne peut travailler, ils ne peuvent pas marcher bien longtemps. C'était un non-non. Et à partir de ce moment-là, Jean chapitre 5, verset 18, il nous est dit, « Les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Et c'est pour ça qu'il est dit au verset 1, Jésus, il tardait à se rendre en Galilée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Se présenter ouvertement à cette fête des tabernacles, ça l'avait le risque de précipiter sa crucifixion. Et Jésus, par contre, suivait exactement le plan du Père pour lui. Dieu, Jésus, fait toutes choses bonnes en son temps et à sa manière. Il va dire à ses frères, « Mon temps n'est pas encore venu. » Mais ses frères, lui, oh, saviez-vous que Jésus avait des frères? La Bible enseigne ça. Jésus avait des demi-frères. La Bible nous dit que la famille de Jésus comptait au moins 7 enfants de Marie. Jésus était bien entendu l'aîné, puisque Marie était vierge avant qu'il naisse. Et la Bible nous parle de plusieurs de ses frères. Dans Marc chapitre 6, verset 3, par exemple, ça nous dit, quand Jésus commence à enseigner à Nazareth, là où il avait grandi, les gens le regardent et disent, « Hein, n'est-ce pas le charpentier? N'est-ce pas le fils de Marie? N'est-ce pas le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? » Les gens connaissaient la famille de Jésus. Ils connaissaient qu'il était plusieurs. Mais, incroyable, les demi-frères ou les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Et même, ils croyaient que Jésus, peut-être, ils ne croyaient pas qu'il était le Fils de Dieu, mais ils croyaient que Jésus, il pourrait faire quelque chose. Peut-être qu'il voulait devenir ses conseillers politiques. Parce que vous savez que dans le passé, même la foule voulait le faire roi. Alors, peut-être que ses frères auraient bien aimé ça, qu'il y aille au milieu de la foule, qu'il se vante, qu'il se montre, qu'il est quelqu'un d'extraordinaire, puis que les gens l'accueillent, puis le placent comme roi d'Israël. Alors, ses frères, ils disent, « Ben, vas-y, va te montrer! » C'est drôle comment ça dit ça. « Pars d'ici, va en Judée, afin que tes disciples voient les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Monte-toi, reste pas en secret, va à la fête. » Ses demi-frères, ses frères, ils voient Jésus plus comme un héros national à lequel ils pourraient s'attacher plutôt que le Messie. Alors, 8 jours de fête, de camping à Jérusalem, voilà le bon temps pour fêter, pour te faire admirer, pour te faire supporter. Puis si tu es capable de faire encore 2-3 petits trucs comme tu fais d'habitude, « Hey, mon ami, les gens vont avec là, reste pas ici, va à la fête! » Mais les frères de Jésus, ils encouragent Jésus avec des mauvais objectifs, bien entendu. Jésus ne veut pas être un héros national qui va chasser Rome. Ils ont des mauvaises méthodes. Fais le gros show là-bas, les gens vont courir après toi. Pas une bonne méthode. Et pas le bon moment non plus. Jésus fait les choses selon la volonté de son Père. Pas le bon objectif, pas les bonnes méthodes, pas le bon moment. Jésus ne cherche pas le spectacle, mais il poursuit constamment la volonté de son Père. Et finalement, il va quand même se rendre à Jérusalem, mais de façon plus discrète. Justement pour ne pas précipiter sa crucifixion. Alors, il y a un message pour ses frères. Et son message pour ses frères, c'est, ben, mon temps à moi, il n'est pas encore venu, mais le vôtre, votre temps, votre moment de croire, votre moment de vous attacher réellement à Jésus le Messie, il est toujours là, il est toujours prêt. Jésus est capable de discerner toujours le bon moment. J'aime ça dans la langue grecque, il y a deux mots pour temps. Il y a un mot qui s'appelle chronos, on comprend bien ça, chronologie. Ça, c'est les minutes, les heures. Et il y a le mot kairos, qui veut dire moment, le temps, la saison, la bonne occasion. Alors, je ne sais pas, mais quand le texte dit « rachetez le temps, car les jours sont mauvais », il n'est pas en train de dire à regarder votre montre, puis aller plus vite, parce que ça va mal. Non, non, il ne parle pas de chronos ici. Il va parler de kairos. Saisissez les occasions qui se présentent devant vous, parce que c'est bien possible que la direction, les temps ne soient pas idéaux. Le temps, le moment, la saison, la bonne occasion. Et pour Jésus, il dit, mes frères, c'est toujours le bon temps pour vous autres. C'est toujours la bonne occasion de croire et d'obéir à la volonté de Dieu. En ce qui concerne Jésus, pour lui, ce n'était pas le moment de se présenter à Jérusalem comme le roi d'Israël. Il va le faire à sa prochaine visite, à la Pâque, le dimanche des rameaux, lorsqu'il va entrer sur le dos d'un âne. Il va se prendre « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Là, ça va être le temps, parce qu'il doit être l'agneau de Dieu qui meurt pendant la Pâque. Il est notre Pâque. Alors, il y avait un temps précis pour Jésus d'aller à Jérusalem. Ça m'amène à une première leçon. Cette première leçon de quand est-ce le bon temps de proclamer l'Évangile? Persévérons à proclamer l'Évangile. J'allais dire, même si la famille ne suit pas tout le temps. Vous êtes tous comme moi, on est 8 enfants chez nous. C'est pas tout le monde qui sont des croyants, qui sont engagés. Et savez-vous, ça fait près de... J'avais 19 ans, j'en ai 66 maintenant quand j'ai accepté le Seigneur. Dans les 10 premières années, je te dis que j'ai bombardé toute ma famille avec l'Évangile, puis qu'est-ce qu'il devait faire. Et savez-vous quoi? Avec le temps, j'ai comme dit, ben, tout va. Ils veulent pas, ils n'ont pas trop d'attirance. Mais Jésus dit, je vais continuer, moi. Je vais continuer à proclamer la vérité. Même si ma famille ne suit pas, imaginez-vous, Jésus avait des frères et des sœurs qui n'étaient pas croyants. Y avait-tu une meilleure place pour les frères et les sœurs de Jésus d'être, pour croire, pour s'attacher à Jésus? Jésus était parfait. Et même ses proches, étant si proches, maintenant si loin. Bonne nouvelle. Savez-vous quoi? Les frères de Jésus et ses sœurs se sont convertis. Jésus n'a pas arrêté. La Bible nous dit dans Actes au chapitre 1 que quand les 120 disciples étaient dans la chambre haute, ils étaient là avec Marie, avec les frères de Jésus et ses sœurs. Ils étaient là. Et savez-vous quoi? Jacques, un de ceux qui étaient nommés, Jacques est devenu le pasteur de Jérusalem. Non seulement Jacques, mais Jude, son frère, est devenu un autre auteur du Nouveau Testament. On a dans Jacques, l'épître de Jacques, l'épître de Jude, sont deux des demi-frères de Jésus. Proclamons, persévérons à proclamer l'Évangile, malgré l'incompréhension, malgré l'incrédulité de ceux qui nous entourent. Dieu n'a pas fini avec mes frères, mes sœurs. Et Dieu n'a pas fini avec vos proches. Continuez de proclamer fièrement l'Évangile. Continuons de partager notre foi dans nos familles, avec nos proches, parce que Dieu n'a pas terminé. Dieu use de patience envers nous parce qu'il désire que chacun vienne au salut. Galates nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Savez-vous pourquoi? Parce que nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Continuons de partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Ceux qui nous entourent en ont éternellement besoin. Première réaction, donc, des frères de Jésus, de l'opposition des frères de Jésus à Jésus. Jésus, quand même, il leur dit, ton temps est prêt encore. Moi, je vais y aller dans le bon temps. Un peu plus loin, Jean, chapitre 7, les versets 11 à 24, Jésus finalement se présente à Jérusalem. Et maintenant, c'est la foule qui est à Jérusalem pour la fête des tabernacles qui se pose des questions sur Jésus. Jean, chapitre 7, versets 11 à 24. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, « Où est-il? » Il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, « C'est un homme de bien. » D'autres disaient, « Ben non, il égare la multitude. » Personne, toutefois, ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? » Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? » La foule répondit, « Tu as un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? » Jésus leur répondit, « J'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches, et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Alors Jésus, finalement, il se rend à Jérusalem discrètement, en low profile, je dirais, tranquille. Et au milieu de la semaine, il va au temple et il commence à parler. Mais avant qu'il se présente, la foule, elle est ambivalente. Tout le monde placote de Jésus à la fête des tabernacles. Tout le monde s'est fait une idée de lui. Il y a des gens qui disent, ça c'est un homme de bien. Puis d'autres personnes dans la foule, ils disent, ben voyons donc, ben non, il égare la multitude. Et les dirigeants juifs avaient déjà pris la décision de se saisir de lui pour le faire mourir. Alors personne essayait de parler publiquement puis à haute voix de Jésus, ça doit être une bonne personne, parce qu'il avait toute peur, le texte nous dit, de se faire ramasser par les dirigeants juifs. La foule est ambivalente. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il va ramasser juste la gang qui pense bien de lui, il va les mettre à côté puis ils vont se protéger? Ben non. Au milieu de la semaine, il rentre dans le temple. Et il enseigne, comme il le faisait d'habitude. Il se met à enseigner la foule. Et il se met à présenter les Écritures. Il se met à inviter encore une fois la foule à croire. Et on va voir dans les prochains textes, les prochaines fois que je prêche, les messages de Jésus à la foule. Mais il les invite à croire à lui, à croire à son enseignement. Et il dit que si quelqu'un écoute honnêtement, si quelqu'un veut faire sa volonté, il va vraiment connaître si je suis du Père ou non. Parce que si quelqu'un écoute honnêtement Jésus, si quelqu'un accepte son message, si quelqu'un désire obéir à Jésus, à Dieu, il va récolter les bénéfices d'une relation qui est personnelle, qui est éternelle avec le Père à travers son Fils Jésus, qu'on a identifié la dernière fois comme le pain de vie, l'eau de la vie éternelle. Alors Jésus est dans le temple et il parle, il rouvre les Écritures, il enseigne les Écritures et les dirigeants juifs, encore une fois, sont étonnés. Comment ça se fait que ce Jésus-là, qui n'a pas passé avec toutes les écoles rabbiniques des rabbins officiels du temple de Jérusalem, comment ça se fait que ce gars-là, qui n'a pas son bac en théologie, comment ça se fait qu'il explique si bien les Écritures? Comment ça se fait qu'il connaît si bien les Écritures? Il n'a pas étudié avec les gens officiels de Jérusalem. Jésus présentait les Écritures toujours avec vérité, avec autorité. En fait, le texte va nous dire que plus tard, les chefs juifs envoient des huissiers, ils envoient la police attraper Jésus. Et la police, elle voit les huissiers, ils vont, puis ils écoutent Jésus, puis ils tombent sur le dos, eux autres aussi, puis ils reviennent voir les Juifs, puis les Juifs ont dit, comment ça se fait, tu ne l'as pas ramassé? Personne n'a jamais parlé comme cet homme-là. Il est spécial. Jésus enseignait avec vérité, avec autorité. Petite parenthèse, ce n'est pas la première fois que les chefs juifs tombaient sur le dos parce que Jésus connaissait les Écritures. Vous vous souvenez que la première fois qu'il avait été dans le temple, il y avait 12 ans. Hein? Puis quand il est resté dans le temple pour parler avec les chefs juifs, puis ses parents sont venus, il a dit « Hey, on court après toi! » Puis il a dit « Ben voyons donc, vous ne savez pas qu'il faut que je reste dans la maison de mon père. » Mais les chefs juifs étaient sur le dos, ils étaient étonnés que le petit Jésus, il savait toutes les réponses. Il connaissait déjà la parole mieux qu'eux à 12 ans. Jésus enseigne dans le temple, puis les chefs juifs sont étonnés qu'ils connaissent si bien les Écritures. Jésus leur présente le principe que pour mieux connaître les Écritures, il faut avoir la volonté de suivre ses enseignements. Voyez-vous, si quand j'entends la parole de Dieu, je n'ai pas le désir de l'accueillir, elle va glisser à côté, et puis les prochains enseignements qui vont venir, ils vont glisser à côté. Des fois, J'ai l'image d'un chrétien comme étant un grand seau d'eau. Moi, j'ai des gouttières chez nous, puis j'ai des gros tonneaux de rhum, là, je ne sais pas, des gros tonneaux ouverts. Il n'y en a plus dedans, On les a eu vides, Mais de ces gros tonneaux de cèdre, je ne sais pas trop, et l'eau rentre dedans. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il faut que l'eau sorte. Savez-vous pourquoi? Si l'eau ne sort pas, il n'y a jamais de nouvelle eau qui rentre. L'eau passe puis elle tombe à côté. Les chrétiens sont comme ça. Vous êtes de ces grands seaux qui accueillent le message de Dieu. Mais ce message de Dieu qu'on a accueilli, il faut avoir la volonté de le prendre et de le passer à d'autres. D'avoir un trou pour qu'il ressorte. Parce que tout nouvel enseignement qui rentre, si je n'ai pas eu le désir, la volonté d'obéir à Dieu dans ce que je sais déjà, bien, les nouveaux enseignements vont juste passer droite et vont tomber à côté. C'est ce que Jésus est en train de nous dire. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il va comprendre. Plus on va lui en donner, plus il va comprendre, plus il va assimiler la parole de Dieu. Les chefs juifs ne sont pas intéressés à désirer suivre la parole de Dieu. Ils sont plus intéressés à leur position, à leur influence, et par conséquent, ils manquent de bonne volonté pour examiner les Écritures. Ils ont vu Jésus qui a guéri un paralytique au moment de la Pâque au complet, puis il dit, « Hey, ce gars-là, il travaille le dimanche, il travaille le jour du sabbat, il a guéri toute une personne. » Jésus ben, dit, « Voyons donc, vous avez la loi de Moïse, vous ne l'obéissez pas. Quand vient le temps de circoncire un homme, un jeune enfant de 8 jours, si le 8e jour, ça tombe un jour de sabbat, savez-vous qu'est-ce que vous faites? Parce que vous trouvez que c'est important pour ce petit garçon-là d'être circoncis le 8e jour, vous faites le travail de le circoncire. Puis tout le monde est d'accord avec ça? Pourquoi vous courez après moi et que vous voulez me tuer? Parce que moi, je n'ai pas juste intervenu dans la circoncision d'un jeune homme, j'ai guéri le paralytique au complet le jour du sabbat. Pourquoi est-ce que vous voulez me tuer à cause de ça? Vous avez les Écritures, mais vous ne les suivez pas. Où on désire faire la volonté de Dieu, et ainsi on reçoit la lumière, plus de lumière, plus d'amour, plus de vie de la part de Jésus, où on refuse son appel et on demeure dans les ténèbres, on demeure dans la haine, on demeure éventuellement à la mort. Ça m'amène à une deuxième leçon. Comment est-ce qu'on peut reconnaître, comment est-ce qu'on peut évaluer Si une œuvre vient de Dieu, si quelque chose que j'ai à faire vient de sa volonté, comment est-ce que je peux vraiment évaluer ça? Bien, je devrais faire comme Jésus. D'abord, ouvrir les Écritures. Jésus ouvre les Écritures. Il présente les Écritures. Il nous faut, chacun d'entre nous, découvrir, je dirais, la rectitude biblique plutôt que la rectitude politique. Il faut être « biblically correct » plutôt que juste être faire comme tout le monde pour ne pas se faire bousculer par personne puis avoir la même pensée que tout le monde. On a besoin d'avoir la rectitude biblique. Et les dirigeants juifs qui avaient, ils avaient la loi de Moïse, mais ils préféraient suivre leurs propres règles tordues, leurs propres obligations basées sur la tradition humaine plutôt que sur la parole de Dieu. Si je veux savoir qu'une œuvre vient de Dieu, d'abord je devrais ouvrir les Écritures. Je devrais voir dedans. Et deuxième chose, je devrais conserver le désir sincère de faire la volonté de Dieu. Si je rouvre les Écritures, puis déjà dans mon cœur, j'ai décidé de ne pas obéir, savez-vous quoi, ça ne collera pas, ça ne rentrera pas. J'ai besoin de conserver le désir sincère de faire la volonté de Dieu, parce que le Seigneur est beaucoup plus intéressé à me montrer sa volonté que moi de le faire. Il y a des décennies, j'étais professeur d'école, j'ai aimé ça. Directeur d'école, 4 ans, j'ai aimé ça. J'étais 20 ans dans l'enseignement. Et à un moment donné, j'aimais ça, être avec les gens, partager la foi, partager les mathématiques, les sciences. Mais il y avait un tyran dans mon cœur. Est-ce que c'est ça que Dieu, tu veux que je fasse pour tout le temps? C'est quoi ta volonté? Et je me disais que si j'aime ce que je fais, je n'ai pas besoin de changer rien. J'aime ce que je fais. Dieu doit être content de ça. Mais ça tirait. Alors, j'ai été voir un frère, pasteur Gazic, peut-être comme des gens. J'ai parlé de ce tourment-là. Comment est-ce que je fais pour chercher la volonté de Dieu? Et M. Gazic m'a juste ramassé sur ce verset-là. Il m'a dit, tu sais quoi, René? Le Seigneur est bien plus intéressé à te montrer sa volonté que toi de la connaître. Si tu recherches la volonté de Dieu, puis tu dis, Seigneur, montre-moi ta voie parce que je veux marcher dedans, il va te le montrer. Il l'a fait. Le Seigneur m'a appelé au ministère quelque temps après. Les Hébreux, il aurait dû être maître à découvrir la volonté de Dieu. Le texte aux Hébreux nous dit. Mais le texte aux Hébreux nous dit qu'ils étaient encore au lait spirituel parce que la nourriture solide, il nous est dit l'auteur aux Hébreux, est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. La nourriture solide des Écritures et ceux qui ont eu l'exercice à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Comment reconnaître la volonté de Dieu? Ouvrons les Écritures. Conservons le désir sincère de faire la volonté de Dieu. Et comme Jésus nous dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Apprenons à évaluer la volonté de Dieu, nos circonstances, selon les fruits que ça produit, plutôt que l'impulsion du moment. Jacques dit, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Jugeons d'après la justice plutôt que d'après l'apparence. Finalement, il y a des gens qui sont pas venus à Jérusalem, mais qui habitent à Jérusalem. Et les gens qui habitent à Jérusalem, eux autres, ils ont entendu les histoires des chefs juifs, et ils savent très bien que les chefs juifs veulent prendre Jésus et le mettre à mort. Alors, il y a une réponse aussi pour les habitants de Jérusalem. Versets 25 et 26. Quelques habitants de Jérusalem disaient, « N'est-ce pas là celui qu'il cherche à faire mourir? » Et voici, il parle librement et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Les habitants de Jérusalem, ils savaient bien l'histoire, ils savaient bien que les chefs juifs voulaient arrêter Jésus, mais là, ils le voient dans le temple en train d'enseigner, puis ils ne sautent pas dessus. Ils le laissent enseigner, ils ne font rien. Fait que les gens de Jérusalem, ils se posent la question, « Ben voyons donc, ça se pourrait-tu que les chefs, que nos chefs, ont reconnu Jésus comme étant le Christ? » Ils se posaient cette question-là, eux autres aussi. Eux aussi, les habitants de Jérusalem, étaient dans l'incompréhension du fait que Jésus soit venu à la fête des tabernacles pour enseigner la parole de Dieu. Ce matin, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qui est le plus important pour nous ce matin quand je considère la réponse des frères de Jésus, quand je considère la réponse de la foule, quand je considère la réponse des chefs juifs, quand je considère la réponse des habitants de Jérusalem? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui? Peut-être que ce serait d'évaluer ma réponse personnelle à l'invitation de Jésus. Parce que l'opposition qui se manifestait envers Jésus, savez-vous quoi, ça existe encore aujourd'hui. Vous recevez, si vous vous tenez debout pour l'Évangile, vous allez recevoir aussi l'opposition du monde. L'opposition des gens envers Jésus se manifeste encore aujourd'hui en opposition envers les croyants. Jésus a dit, « Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Parce que, comme il dit, Jésus dit, « Moi, je leur parle la vérité, puis ça l'expose leurs ténèbres, ça l'expose leurs péchés. » Parce que la lumière met toujours en lumière le péché, le mal. Alors, comment, vous et moi, pouvons-nous répondre à l'opposition du monde? Que ce soit l'opposition des personnes religieuses, que ce soit l'opposition qu'on retrouve dans nos familles, que ce soit l'opposition qu'on retrouve chez les incroyants, à la télévision, chez ceux qui nous entourent, comment est-ce qu'on peut répondre à l'opposition du monde? Bien d'abord, en répondant présent, en s'identifiant à Jésus plutôt qu'en se retirant. Il nous faut être lumière au milieu du monde. Il nous faut participer à la conversation dans notre société et pas juste se retirer. Il ne faut pas avoir peur de s'identifier pour Jésus. Je me réjouissais cette semaine au hockey, comme le club des Blackhawks. Cette semaine, c'était toutes les lettres, LGBT+, et la Ligue nationale a fait une soirée pour eux autres, pour ce style de vie-là. J'aimerais ça qu'ils en fassent une soirée pour le style de vie des familles, le style de vie de gens qui font d'autres choses, des styles de vie. Mais toute la Ligue nationale avait des bâtons de toutes les couleurs. Puis les Blackhawks, pour des raisons de foi, ont dit non. Nous, on ne participera pas à ça. Et savez-vous quoi, toute la communauté du hockey dit, « Hé, voyons donc, pour des raisons religieuses, on ne les acclamera pas. » Mais non, ce n'est pas un style de vie que Dieu honore. Alors, on va se rester debout chez nous, puis on ne passera pas tous ces messages-là. Restez debout, participez à la conversation, s'identifier comme Jésus, avec Jésus plutôt que se retirer. « Oh, je suis sûr que dans vos entourages, tout le monde parle en bien ou en mal du christianisme, et souvent en mal. Comment on réagit quand les gens parlent en mal du christianisme? On se recule, on ne dit pas un mot, ou on dit, « Hey, je ne pense pas de même, moi. Sais-tu quoi? Mieux l'adoption que l'avortement, finalement. Qu'est-ce qu'il y a de mal à adopter plutôt que d'avorter? » Un exemple, c'est plein, vous entendez toutes sortes de choses du christianisme. Répondons présent, identifions-nous à Jésus plutôt que nous retirer du monde, parce que les gens autour de nous ont un besoin criant de recevoir Jésus. Recherchons aussi la fidélité plutôt que la popularité, parce que nous devons nous attacher à la parole de Dieu pour être capable après ça de la partager avec courage. et sous l'impulsion de l'Esprit, il nous faut alors rechercher sa volonté pour nos vies et s'assurer que l'on accomplit les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Il nous faut aussi accepter les délais divins. Et Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et les délais, le fait que les gens ne reçoivent pas notre parole automatiquement, qu'ils ne se convertissent pas après deux interventions que l'on a, que ça prend du temps avant que ça l'enregistre. Moi, ça a pris 2 ans avant que ça l'enregistre jusqu'au cœur. Ça l'a enregistré là, puis après ça, ça a parti, puis à un moment donné, ça a enregistré là, puis là, ça l'a tenu. Dieu ne fait pas toutes les choses bing-bang tout de suite. Les gens qu'on aime tardent souvent à venir à Jésus. Et on a besoin d'accepter ces délais divins, bien que ça nous rend inconfortables. Quand j'attends, je ne suis pas au contrôle. Ça me rend inconfortable. J'ai besoin de me remettre à Dieu. Dieu fait les choses de ta manière, en ton temps. Le cœur de l'homme médite sa voix, dit Proverbe, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. On a besoin de répondre présent. On a besoin d'être fidèle à la parole de Dieu. On a besoin d'accepter les délais divins et on a besoin de s'engager à faire la volonté de Dieu. On doit dire au Seigneur, « Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt pour mieux te connaître. Je suis prêt pour être pleinement abreuvé. Je suis prêt pour être complètement rassasié. Je suis prêt pour faire ta volonté. Je suis prêt pour saisir les occasions que tu vas placer devant moi pour partager l'Évangile, pour participer au progrès de l'Évangile, pour participer à l'avancement du royaume de Dieu. » Et c'est ça, la réponse que Jésus attend de nous. Puisse-t-il trouver dans nos vies ce oui, « Seigneur, je suis prêt. Peu importe qu'est-ce qu'il m'arrive, je veux m'identifier à toi, je veux participer à l'avancement de ton royaume. » Seigneur, merci encore parce que tu es resté debout, toi, malgré l'opposition. Fais-nous la grâce d'avoir cette décision dans notre cœur, d'être prêt à nous identifier pour toi, d'être prêt à rester debout malgré l'opposition qui pourrait nous entourer. Pour ta gloire à toi, pour l'avancement de ton royaume, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Patrick, tu avais des commentaires?